لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Donc, inshallah, aujourd'hui nous terminons l'étude du 11e hadith. Nous nous sommes arrêtés au passage dans lequel le Cheikh Rabi' Hafidhahullah dit وثالثها مناصحة ولاة أمر المسلمين وذلك يتم بالتعاون معهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف أو سوء العشرة والدعاء لهم بالصلاح وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم. Donc là, c'est un point et un chapitre très très important. Troisième point qu'on retrouve dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, de conseiller les autorités, les gouvernants musulmans, et ceci en s'entraidant avec eux dans le bien et la vérité, leur obéir dedans, c'est-à-dire dans la vérité et dans le bien, et leur rappeler, leur faire le rappel d'une manière douce et tendre, et leur, les informer de choses qui pourraient leur échapper, dont ils en ont été insouciants parmi les droits des musulmans qui n'en ont pas connaissance. De délaisser complètement le soulèvement contre eux, de prier derrière eux, d'accomplir le combat dans le sentier d'Allah que derrière eux, de leur remettre les sadaqat, ici c'est voulu, la zakat, on l'appelle sadaqa, ici c'est la zakat obligatoire, de délaisser le soulèvement armé contre eux lorsqu'apparaît chez eux de la déviance ou une mauvaise compagnie, c'est-à-dire qu'ils se comportent mal, qu'ils font preuve d'injustice, d'invoquer Allah en leur faveur pour qu'Allah les réforme et de ne pas mentir dans les éloges qu'on leur fait. Donc c'est un chapitre d'une très grande importance si les musulmans l'avaient appris, l'avaient assimilé, compris, appliqué, il serait à l'abri de beaucoup de mal et de beaucoup de problèmes et de troubles qui touchent depuis très longtemps les communautés musulmanes. C'est la croyance, le dogme d'Ahle Sunna, des gens de la Sunna qui suivent le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un ordre divin, un ordre prophétique de bien se comporter envers les autorités musulmanes, de les écouter, de leur obéir dans ce qu'ils demandent, tant que cela est dans la vérité et qu'il n'y a pas d'interdit de demander. Allah nous dit dans le Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u allaha wa ati'u rasoola wa ulil amri minkum » Dans le sens du verset, « Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez la foi, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui ont le commandement, autorité sur vous. » De même que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans beaucoup de hadiths, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, al-Wassabi, al-Yamani, rahimahullahu ta'ala, a compilé, a réuni les textes prophétiques à ce sujet. Il en a réuni près de 100 hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, où il est question d'écouter et d'obéir aux gouvernants, aux autorités, et de ne pas leur désobéir ni se soulever contre eux, car toutes ces actions sont contraires aux enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam, sont contraires à la voie sur laquelle étaient les pieux prédécesseurs parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis convenablement. Donc on se doit de s'entraider avec eux dans le bien, de leur faire le conseil lorsque cela est possible et lorsque le moment de ce conseil est là, mais d'une bonne manière. Déjà envers tout musulman, toute personne, on se doit de lui parler de la meilleure manière. On se doit de lui parler avec douceur et tendresse. Que dire lorsqu'il est question de celui qui a autorité, de celui qui est gouvernant, qui a une responsabilité sur toute la communauté? Regardez, Allah tabaraka wa ta'ala envoie parmi les meilleurs hommes des prophètes, Moussa wa Haroun alayhim assalam. Ce sont des prophètes. Les prophètes sont les meilleurs des hommes, les hommes les plus vertueux, les plus droits. Et il les envoie parmi les pires, chez les pires des créatures. Il les envoie chez Pharaon, Pharaon, celui qui a prétendu être le Seigneur, celui qui a prétendu être la divinité. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve de tout mal. Wa qala ana rabbukum al-a'la. Et il a dit, c'est moi votre grand Seigneur. Et il dit aussi, ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Je n'ai connu pour vous aucune divinité en dehors de moi. Ça, ce sont les paroles de Pharaon. Et avec cela, Allah tabaraka wa ta'ala demande à Moussa et Haroun de lui parler de la meilleure manière. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Allez donc vers Pharaon, car il a transgressé, il a outrepassé les limites. Faqula lahu qawlan layyinan. Et dites-lui une parole qui est douce. Parlez-lui avec douceur. Donnez-lui toutes les chances pour qu'il écoute et qu'il accepte le conseil. Les meilleurs des hommes vers une des pires des créatures. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Peut-être va-t-il se rappeler ou va-t-il avoir une crainte. Alors que dire lorsque toi tu n'es pas le meilleur des hommes et face à toi ce n'est pas la pire des créatures que tu as? Subhanallah. Un khariji, à l'époque des califes, dans les anciens temps, s'est mal comporté face au calife. Lorsqu'on l'a attrapé, on l'a ramené à la cour du calife. Et le calife lui a fait ce rappel. Il lui a dit, es-tu meilleur que Moussa et Haroun? Il dit non. Je suis pire que Pharaon? Et il lui a dit non. Il lui a dit, alors sache qu'Allah a envoyé ceux qui sont meilleurs que toi vers celui qui est pire que moi. Et il leur a demandé de lui parler avec des paroles douces. Ça, c'est l'enseignement de l'islam. Le conseil aux autorités ne se fait pas au regard de tous, en plein jour devant tout le monde, en public, non. Déjà un musulman, une simple personne, lorsque tu veux la conseiller, tu la conseilles en privé. Car le conseiller devant tout le monde, ce n'est plus un conseil que tu lui veux à ton frère, mais c'est une humiliation. Et personne ne voudrait être conseillé publiquement. Que dire de celui qui a autorité, le gouvernant? Que dire que des textes spécifiques nous précisent la manière de conseiller l'autorité? Celui qui veut conseiller le gouvernant, qu'il vienne à lui, le prenne par la main, s'isole avec lui et lui donne ce conseil. Il a accepté de lui, tant mieux. Il n'a pas accepté de lui, il s'est acquitté de son devoir. Voilà ce qui t'est demandé. La personne va dire, mais moi je ne peux pas l'atteindre. Tu ne peux pas l'atteindre, rien ne t'est demandé à toi. Pourquoi tu t'imposes ce qu'Allah ne t'a pas imposé? Pourquoi tu t'imposes une mission qui n'est pas la tienne? Si tu en as la capacité de le faire comme l'islam l'enseigne, fais-le. Tu n'en as pas la capacité, ne t'impose pas ce qu'Allah ne t'a pas imposé. Subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà les enseignements de l'islam. Contrairement aux sectes égarées qui, eux, voient le soulèvement contre le gouvernant, qui, eux, voient la désobéissance dans le vrai et le bien, qui, eux, voient une autorité qui n'est pas l'autorité reconnue en islam, mais c'est une autorité dans le domaine sectariste. Et donc, il vient au nom de quoi? Moi, je veux le bien, moi, je veux la réforme, moi, je veux recommander le bien, interdire le mal, moi, je veux. Bien intentionné soit-il, s'il dit vrai, mais il n'a pas entrepris le chemin qu'il faut. Ça, c'est une personne qui a acheté un bateau et il veut à tout prix que le bateau circule sur le sol ou il le pose sur des rails. Ce n'est pas l'endroit approprié. Le bateau ne lui servira à rien. Le bateau ne peut que naviguer sur l'eau. Et en général, les sectes ont ce point commun. Ils voient le soulèvement armé contre l'autorité du pays. Car ils ne voient comme autorité valable que la leur, ou que les membres de leur secte. Et on se doit de prier derrière eux, car les déviances, les péchés, les injustices qui pourraient venir d'eux, ne les font pas sortir de l'islam. La foi, elle augmente avec les bonnes œuvres et elle descend, elle diminue avec les péchés, les mauvaises œuvres. Mais ces gens-là ont plus ou moins un côté khariji chez eux, si ce n'est des khawarij. C'est que soit ils le reconnaissent clairement ou pas, mais ils voient la mécréance des gens de par les péchés. Les khawarij premiers le disaient clairement. Aujourd'hui, beaucoup ne le disent pas clairement, mais dans les actes et les faits, c'est comme s'ils le disaient. Donc, ils ne voient pas que le gouvernant est musulman. Donc, ils ne voient pas la prière derrière lui. Alors que le sunna, on prie derrière lui. C'est-à-dire que s'il préside la prière, on prie derrière lui, on prie derrière les imams qu'il a nommés dans les mosquées. Et le djihad, le combat dans le sentier d'Allah, ne se fait que derrière cette autorité. Ça n'existe pas que la première personne, c'est elle qui déclare la guerre. Dans les pays, ça n'existe pas ça. En islam, ça n'existe pas. Le chef d'État, c'est le chef des armées, comme ils disent. Et en islam, l'autorité du pays, c'est lui le chef des armées. C'est lui qui déclare le combat et la guerre. Et c'est derrière son étendard que les soldats y vont, et non pas n'importe quelle personne, quel qu'il soit, se donne ce droit de déclarer une guerre ou pas. Non, ça c'est l'État, c'est le chef d'État, c'est de son ressort. S'il a des manquements, des négligences, ce sera à lui, il aura des comptes à rendre, lui. Les sectes ont pollué la compréhension de la religion chez les gens, jusqu'à ce que les gens ne comprennent plus rien. Les gens sont perdus. Et ils mélangent. Ils prennent des versets pour leur donner un sens qui n'est pas leur sens. Ils prennent des hadiths pour leur donner un sens qui n'est pas leur sens. Ils prennent des récits pour les ramener dans des contextes qui ne sont pas leur véritable contexte. Et ainsi de suite. Et qui va juger? Ce sont des ignorants. Ah, tu vois, lui quand même, il ramène des choses. Mais toi, comment tu peux savoir que ce qu'il dit est vrai ou pas? Quelles sont les armes que tu as pour pouvoir juger? Subhanallah. Tu ne reconnais de vrai que ce qui est en conformité avec ta passion et tes désirs. Et tu rejettes ce qui contredit tes passions et tes désirs. Voilà comment fonctionne la plupart des gens. Donc faites attention. Les gens du faux, ils savent vers qui aller. Les gens du faux, face à des ulama, ils se taisent. Ils cachent ce qu'ils ont en eux. Et leur poison, ils ne le montrent que devant des ignorants. Voilà comment ils fonctionnent. Pour ne pas être détectés auprès d'un savant, ils font en sorte de ne pas parler devant. Mais leur poison, ils savent vers qui le sortir. Wal'iyadu billah. Les prêcheurs du faux sont l'une des plus grandes causes de tous les troubles qui touchent la communauté musulmane. Qu'est-ce qui se passe en Libye, en Égypte, en Syrie, en Irak, à titre d'exemple, et peut-être dans d'autres pays? Qui a vraiment participé à cela? Ce sont les prêcheurs du faux. Les populations ont leur part dedans, mais les populations ont été manipulées. Ont été manipulées par des prêcheurs, et surtout les prêcheurs des chaînes satellitaires, les prêcheurs qui passent à la télé, les prêcheurs qu'on voit sur Internet. Parce que les gens de la masse, ils ne connaissent qu'eux. Ils n'ont pas la balance de jugement. Ils ne savent pas distinguer le vrai du faux, le vrai prêcheur du faux prêcheur. Et ils les écoutent. Wal'iyadu billah. Pendant que ces prêcheurs vivent dans la tranquillité, dans l'apaisement avec leur famille et leurs enfants, les enfants des gens, ils les envoient dans les territoires de guerre. Et leurs propres enfants, il n'y en a aucun qui y va. Ils les envoient à Londres ou à Washington, et je ne sais où, pour aller chercher des diplômes. C'est la réalité. Beaucoup n'aiment pas la vérité, mais c'est la réalité. Ils font croire qu'ils sont avec les gens, mais ils pleurent devant la télé parce que chaque passage télévisé, il a un prix. Une émission, il peut prendre sur une émission 10 000 euros, 20 000 euros par émission. Vous croyez quoi? Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Wal'iyadu billah. Et ils poussent à cela. Puis après, ils disent, ah, nous sommes désolés pour ce qui arrive dans tel endroit ou tel endroit. A'udhu billah. Après, ils mettent ça sur le dos de qui? Des gouvernants musulmans. Je ne dis pas. D'abord, moi, je ne sais pas. Les ulama de la sunna, ils ne défendent pas le mal ou le faux ou la corruption ou l'injustice. Ils défendent la voie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Comment on doit se comporter? Vous croyez que le prophète nous a laissé comme ça? On n'a pas d'enseignement dans l'islam. L'islam nous enseigne qu'il n'y a plus de prophète après Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a quitté ce monde qu'en ayant tout enseigné aux gens. Il y a tout dans l'islam. On a la réponse, il faut seulement aller la chercher. Il faut seulement questionner Ahl al-ilm. Mais les véritables Ahl al-ilm, les gens ne font même plus la différence entre un jeune qui a encore, parfois même, il n'a même pas encore un poil qui a poussé, ou il a quelques poils noirs sur son visage. Ils ne font même pas la différence entre lui et un vieil homme avec les poils blancs qui a vieilli dans la sunna et dans les sciences religieuses. Wal'iyadu billah. Comme il a dit le prophète, sallam, ce sont des petits, en parlant de ces prêcheurs du faux. Asar, petit en âge, des sots, des fous. Parce que si ils n'étaient pas fous, ils ne diraient pas ce qu'ils font. Des gens qui vont faire des fatwas autorisés d'assassiner des gens. Où est-ce que vous avez vu ça? Subhanallah. D'assassiner des vieillards et des femmes et des enfants. Ça, ce sont des prêcheurs qui le disent. Des fatwas. Pour dire aux gens dans les terres de combat, vous avez le droit, la permission de le faire. Et les gens les écoutent. A'udhu billah. Qu'Allah nous préserve de tout mal. La Kaaba, c'est un endroit sacré. Personne ne s'imagine que de laisser quelqu'un venir et la détruire devant lui. N'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer le sang sacré du musulman, il leur dit aux compagnons, radiallahu anhum, sachez que le sang d'un seul musulman est bien plus sacré auprès d'Allah que la destruction de la Kaaba. Un homme seulement. Et là, c'est combien? Combien? On compte même plus. Wallahu musta'an. Ça n'a plus de prix, yani, ça n'a plus de valeur. Il y a eu 10 morts, il y a eu 100 morts, 500 morts. C'est devenu quelque chose de banal. Hein? On en parle comme si, et dans les journaux, ça en parle, comme si c'était des moustiques ou des mouches. Yani, c'est quelque chose de banal. C'est tout à fait normal. A'udhu billah. Il y aura des comptes yom al-qiyamah. Rien n'échappe à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète, ça nous a mis en garde. Et il nous a dit, il y a des prêcheurs qui parlent notre langue. Ils font partie de nous. Mais ce sont des prêcheurs devant les portes de l'enfer. Celui qui les écoute, qui leur obéit, il le jette dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Mais les gens ne veulent pas, la plupart, beaucoup de gens. Ils aiment suivre leur passion. Pris de colère, ils aiment suivre ces gens-là. Hein? Pour eux, c'est quoi dire la vérité? Demandez à beaucoup de gens. Quand il y a une khutba de Jumu'ah, c'est qui dit la vérité pour eux? C'est celui qui a enflammé le prêche. Et qui a parlé sur les gouvernants, les autorités, qui a parlé en mal sur les ministres, et ainsi de suite. Ils ont volé les caisses, ils n'ont rien laissé, il n'y a plus rien, et ainsi de suite. Et les gens, ils disent, ah, lui au moins, il dit la vérité. A'udhu billah. Est-ce que le prophète, il a enseigné ça? Est-ce que les compagnons ont enseigné ça? A'udhu billah, jamais de la vie. Khutbat al-Jumu'ah, c'est le wa'ad, c'est l'exhortation, c'est le zikr, zikr d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et non pas de raconter les péchés des gens. La khutbah, c'est court. C'est la preuve de la compréhension de la personne. Que la khutbah, elle soit courte et la prière, elle soit longue. Pas 30 minutes, 50 minutes, une heure et demie de khutbah. En hiver, il y a des mosquées, ils finissent le Jumu'ah, le Mu'adhin, ils se lèvent pour faire l'adhan de l'Asr. Et les gens, ils pensent qu'ils sont dans des endroits, a'udhu billah, de prendre en otage les gens, parce que les gens sont obligés de faire le Jumu'ah. C'est pas l'islam. Et ils le font même pour Tarawih. Il y a des gens, ils sont assis, ils attendent. On les prend en otage. On ne prie pas tant qu'on n'a pas ramassé tant d'argent. C'est clair que la mosquée ne se construit pas toute seule. C'est clair que l'argent, elle sert à quelque chose. Mais de là en faire un objectif, de là à l'argent en faire une chose adorée en dehors d'Allah, a'udhu billah, a'udhu billah. Il y a maintenant des endroits, c'est que l'argent. Il y a des mosquées, ça ne parle que d'argent, a'udhu billah. C'est ça de laisser les choses entre les mains de personnes incompétentes. Il n'y a pas mieux que dans nos pays. Dans nos pays, c'est l'État qui s'occupe des mosquées. Personne ne parle. Tu rentres, tu pries, tu ressors. C'est fini. C'est réglé. C'est ça. La mosquée, elle a plus sa valeur. Son côté sacré. Les gens se battent. Des fois, c'est la police, qui ne sont même pas musulmans, qui viennent séparer entre les gens dans des mosquées. A'udhu billah. Même eux, imaginez-vous comment à l'intérieur ils pensent, ces gens-là. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? C'est un lieu de culte. C'est un lieu de recueillement. C'est un lieu de prière. Et c'est quoi les problèmes? Il a volé la caisse, il n'a pas volé la caisse. Wallahi azubillah. L'insan, il faut craindre Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est une fitna. Et les gens, aujourd'hui, l'islam, c'est devenu comme une mode. Tout est islamique. Théâtre islamique, chant islamique, musique islamique, cinéma islamique, banque islamique, tout est islamique maintenant. Ils ont compris que les gens, ils se font avoir. Que les gens, s'ils voient le mot islam, ils vont y aller. Parti islamique. A'udhu billah. L'islam, c'est devenu Allahul Musta'an. L'islam, c'est la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. L'islam, c'est la soumission totale à Allah, azza wa jal. Intérieurement et extérieurement. L'islam, c'est un culte exclusif réservé à Allah, tabaraka wa ta'ala. Un suivi parfait du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, il a quitté ce monde, il n'a laissé ni dinar, ni dirham en héritage. Il a laissé le ilm, alayhi salatu wa salam. Jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est enrichi au nom de l'islam. Jamais les khulafa ar-rashidun, ils se sont enrichis au nom de l'islam. Jamais. C'est Allahul Musta'an. Ça, c'est grave. Même les préceptes religieux, tout moyen est recherché. Zakat al-fitr. Ilmiyen. Dans la science, on regarde les textes. Ça se donne en nourriture. Personne ne peut dire le contraire. Parce que on a trouvé des fatwas par-ci, par-là, qui pourraient autoriser de prendre en argent. Ils se sont dit, c'est l'argent. Parce que eux, c'est pour eux. Ils n'en veulent pas de la nourriture. La nourriture, c'est pour les pauvres, pas pour vous. Mais eux, non, ça ne les intéresse pas. Ils veulent que les caisses elles, se remplissent. Donc, ils demandent Zakat al-Fitr. 5 euros, ça fait des millions d'euros à la fin. Où est-ce que ça va tout cet argent-là? Allahu a'lam bihim. Est-ce que tous les pauvres en profitent? Allahu a'lam bihim. J'en sais rien, je ne sais pas. Je ne rentre pas dans ce que je ne connais pas. Mais on est en droit de mettre des points d'interrogation. Alors que c'est contraire. Quand le prix du mouton, à un moment donné, ces dernières, est augmenté, il commence à nous ramener des fatwas. Tu ne fais pas l'Eid. C'est-à-dire, tu ne gorges pas. Mais, là, parce que le prix, c'est le prix de 4 moutons dans tel ou tel pays. Vous avez entendu parler de ça. Donc toi et tes enfants, vous ne mangez, vous ne prenez pas de moutons pour que des familles qui, eux, n'ont pas les moyens, donc ça ne leur est pas demandé puisqu'ils n'ont pas les moyens, que eux ils puissent égorger le mouton. Mais où est-ce qu'ils ont ramené ces règles-là? Subhanallah. Où est-ce qu'ils ont ramené? Égorger le mouton, c'est pour celui qui en a les moyens. Celui qui n'en a pas les moyens, ça ne lui est pas demandé. Mais on peut lui faire des cadeaux, on peut lui faire des sadaqas en plus. Mais que tu te prives toi et ta famille. Bah, fais ça tous les ans, tes enfants, quand ils grandiront, jamais ils auront un souvenir qu'on a égorgé un mouton pour l'Eid. Et peut-être que plus tard, des gens diront ça n'existe pas. Tu t'en rappelles toi? Non, c'est vrai que moi, avant, on ne faisait pas ça. Subhanallah. Yani, ajib. Enfin, yani, faut faire attention. L'islam, c'est la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Des personnes se prennent pour les gardiens de la religion et on en voit qu'est-ce qu'ils en ont fait. Wal'iyadhu billah. On voit très bien ce qu'ils en ont fait. Wallahu al-musta'an. La mosquée, c'est un lieu de culte. Pourquoi rentrer dedans des choses qui ne sont pas convenables? La mosquée, ce n'est pas un endroit où on vient dire aux gens « Votez pour un tel ou votez pas pour un tel ». Les problèmes de dehors, on les ramène dans la mosquée. Subhanallah. Comment ça, on rentre dans ces choses-là? Et comment des imams peuvent rentrer dans ça? C'est une gravité. Il y a des mosquées maintenant, on se pose la question exactement, est-ce qu'elle a la fonction de mosquée ou pas? Est-ce que vraiment elle a la fonction de mosquée ou pas? La mosquée, normalement, c'est un lieu de lumière. Les gens arrivent avec leurs problèmes, leurs soucis, pour les oublier, pour se recueillir, pour pouvoir lire le Coran, pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal. C'est un endroit de repos intérieur. Et non pas pour ces choses-là. La mosquée, normalement, elle réunit. Hein, on l'appelle jama', yajma'. Ça réunit les gens. Dans des endroits, c'est la mosquée qui les a séparés, les gens. Dès que la mosquée allait arriver, ils ont été séparés, les gens. Wallahu al-musta'an. Qu'Allah nous guide tous. De leur donner la zakat, parce que si l'autorité, elle prend comme mission de s'occuper de la redistribution de la zakat, et qui envoie des fonctionnaires pour réunir la zakat, on se doit de leur donner. Et en leur donnant, on s'est acquitté de notre zakat. Après, eux vont la distribuer aux ayants droit. Donc, de s'éloigner de toute forme de soulèvement, même les soulèvements armés, même s'il apparaît des déviances ou des manquements ou des formes d'injustice de leur part, et d'invoquer Allah en leur faveur. Ça, depuis les premiers temps, les ulama ahl-sunnah, ils l'ont mis dans usul ahl-sunnah, les fondements d'ahl-sunnah. Chapitre. Ils disent que parmi les distinctions entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a, c'est que les gens de la sunna voient la dua pour le gouvernant. Tu fais les dua pour lui. Tad'u Allah lahu bis-salahi ila akhiri. Et parmi les signes de ahlul bid'a, c'est de faire des dua contre le gouvernant. Et na'am. Donc ça, c'est un point distinctif. On fait des doigts, on leur veut du bien. On adore Allah Ta'ala lahum bil khayr, wal salah, wal islah. On fait des doigts pour qu'Allah fasse d'eux des gens guidés, bien guidés, des gens qui seront la cause de la réforme. Et l'imam Ahmed rahimahullah et d'autres, alors qu'ils ont été touchés par l'injustice, ils ont été emprisonnés injustement. On a voulu d'eux qu'ils disent des paroles de mécréance. Et avec cela, ils disaient, si j'avais une dua mustajaba, si jamais j'avais une dua qui est exaucée, je la réserverais pour le gouvernant. Car si le gouvernant, il est guidé, c'est un bien pour toute la communauté qui va derrière, qui va suivre. Et aussi, on s'éloigne des éloges. Disais de faire des éloges devant les personnes, ce n'est pas convenable. Mais si jamais on est amené à le faire, on ne le fait qu'avec vérité. On ne dit que des vérités pour la personne. On ne dit pas ce que lui, il a envie d'entendre, même si c'est des mensonges. Non, on dit des bonnes choses qui le concernent et on ne va pas plus loin. ورابعها النهي عن قيل وقال. Quatrième point, l'interdiction de trop parler, de trop répéter ce qu'on entend. Léon dit, j'ai entendu. وهو الخوض في الباطل وإشاعة الفواحش ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة. Et c'est d'entrer dans des sujets faux, dans des sujets futiles, et de propager les péchés, les turpitudes des gens, et de propager les rumeurs et les informations mensongères. Et vous savez bien qu'ils sont nombreux, les gens qui contribuent à cela. Combien sont-ils? C'est contraire aux enseignements de l'islam. Le musulman, il retient sa langue. Il tourne sa langue à l'intérieur de sa bouche avant même de parler. Il réfléchit. est-ce que ce qu'il va dire lui est utile ou pas? Y a-t-il un bénéfice ou pas? Et avant toute chose, ce qu'il va dire déjà, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce une vérité ou un mensonge? Ce n'est pas parce que ça concerne mon ennemi que je me permets d'être injuste. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Et que la haine envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, ceci est bien plus proche de la piété. Voilà comment il se comporte le musulman. Et combien sont-ils? Parce que ça les arrange, donc ils laissent se propager des choses alors qu'elles savent que ce sont des mensonges. وَلَيَّذُ بِاللَّهِ. Un bon musulman ne se comporte pas ainsi. Surtout chez les femmes. Hein, les femmes sont connues pour beaucoup parler, mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes les ont rejoints dans ce domaine. Wallahu al-musta'an. Donc, on fait attention. Mon oreille, elle reçoit des choses, mais ça ne veut pas dire, parce que c'est entré, que je dois le propager ou le donner aux autres. C'est pareil pour les messages. Les messages dans les réseaux sociaux, dans le téléphone. C'est pas parce que je reçois des messages et parce que moi je considère que c'est bien. Celui qui envoie ce message à 10 personnes, à 100 personnes, déjà rien que ce genre de phrase te prouve que le message il est pas bon. Parce que ça n'existe pas. Envoie-le, car si tu ne l'envoies pas, tu risques d'être touché par un mal. Hein? C'est comme la lettre là, qu'a fait un certain qui se dit le gardien de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a fait un rêve et que le prophète lui a donné des ordres. Et ainsi de suite. Tout ça, c'est du mensonge, cher Ibn Baz, alayhi rahmatullah. Il avait répondu, réfuté cette lettre-là. Avant, c'était dans des feuilles A4. Ils mettaient ça dans les boîtes aux lettres. Maintenant, ils n'ont plus besoin. Ils les envoient directement. Et les gens, ils voient ça et ils envoient. A'udhu billah. Ça n'existe pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'enseignement qu'il donne, il est déjà dans le Coran et les hadiths. Ce n'est pas dans les rêves. On n'a plus rien de nouveau comme règles religieuses qui vont nous parvenir de par le biais des rêves. Ça n'existe pas. On peut voir le prophète, alayhi wa sallam, dans le rêve. On peut le voir, alayhi salatu wassalam. Et celui qui voit le prophète l'a vraiment vu. Car le shaitan ne prend pas son apparence, alayhi salatu wassalam. Mais il n'en découlera pas des règles religieuses ou des enseignements religieux, non. Et le pire, c'est que dans ce message-là, je ne sais pas si dans les... Maintenant, ça y est, à l'ancienne, quand c'était dans les feuilles, il disait, un tel a fait tant de photocopies. Et il a propagé et il a gagné à la loterie. La loterie, c'est haram. C'est interdit. Subhanallah. Allah al-musta'an. Tayyib. Wa kafa bil mar'i kadhiban an yuhaditha bi kulli ma sami'a. Ça, c'est le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Il suffit à la personne d'être menteur, de rapporter tout ce qu'elle entend. Le fait qu'à chaque fois que tu as une information, tu t'empresses de la propager, ça suffit pour te considérer comme un menteur. Tu ne fais pas attention. Non, garde pour toi. Non, je garde. Non, garde pour toi. Garde. Tu n'es pas obligé de tout dire. Tout ce que tu as comme chose, tu n'es pas obligé de les divulguer. Ce n'est pas tout ce qui est su qui doit être propagé et divulgué. Même la science. La science, il y a eu des parties de science qu'on ne donne pas à tout le monde. Qu'on ne donne pas à tout le monde. Et ça, c'est ulama, il nous l'explique. Dans Sahih al-Bukhari, il y a un chapitre. Chapitre de réserver une science pour des gens et ne pas la donner à d'autres personnes. Parfois, de parler de certains points de la science à des gens, c'est plus un mal pour eux qu'un bien. Parce qu'ils sont, ils sont dans un stade où ils ne peuvent pas assimiler et comprendre. Donc tu ne leur fais pas un bien en vérité, mais tu leur fais un mal. Des gens, tu es face à des gens qui sont assoiffés de soulèvement contre le gouvernant. Tu leur amènes pas des textes qui pourraient prêter, hein, on pourrait y comprendre, quelqu'un de mal intentionné pourrait faire comprendre qu'on a le droit de se soulever. Tu es face à des chiites. Tu ne vas pas venir leur donner les hadiths sur les mérites de Ali, de l'Hassan, de l'Hussein, alors que tu sais que ça va les réconforter dans leur mal. Ça va les réconforter. Ah, vous avez vu ? Même vous, vous avez des textes. Non. Mais ça, c'est les gens de science qui savent. Quelqu'un, on entend les gens des fois dire, eh ben, il est où le problème ? Moi, j'ai dit que la vérité, et ce que j'ai propagé est vrai. Ce sont des gens qui ne réfléchissent pas loin et qui n'ont pas la sagesse qu'il faut. Et ils prennent une mission qui n'est pas la leur. Et ils prennent une mission qui n'est pas la leur. Donc la personne, elle fait attention. La personne, elle croit même des fois qu'elle est meilleure que les savants. Il dit, moi, je fais ce que les savants ne font pas. C'est vrai, le savant, là, on ne l'entend jamais ouvertement parler sur tel, tel point. Et lui, il se croit intelligent. Mais c'est lui-même qui croit ça. Ce n'est pas les savants qui ont dit, toi, tu es intelligent. C'est lui-même. Ou des ignorants comme lui qui ont témoigné pour lui. Et il se croit. Mais si Allah lui donne longue vie, c'est qu'après qu'il se mord les doigts et il dit, j'ai vraiment gaffé dans le passé. Et combien de gens ont regretté leur précipitation? Subhanallah. C'est comme des gens qui parlent. Oui, mais les ulama, pourquoi ils ne conseillent pas les savants? Cette phrase, déjà à la base, elle est fausse. Pourquoi ils ne conseillent pas? Une vraie phrase serait, est-ce que les ulama conseillent les gouvernants? Mais ne conseillent pas, comment tu le sais? Qui t'a dit qu'ils ne conseillent pas? Parce que tu n'as pas vu, tu n'as pas assisté, ils ne l'ont pas fait. Allahu Akbar. Allah, c'est dur. Hein? C'est dur dans quoi sont les gens. Et celui qui a fait le conseil religieusement, tu veux qu'il perde ses œuvres? Il l'a fait lillah, tabaraka wa ta'ala. Il ne l'a pas fait pour toi. Tu veux que quand il est parti conseiller, il sort devant les caméras, je reviens du palais, j'ai conseillé le gouvernant. Et le gouvernant va dire, mais c'est quoi cet homme? Subhanallah. Et toi, celui qui... On va pas plus loin. Celui qui te conseille, tu veux qu'il monte sur le mimbar? J'ai été voir un tel chez lui, en tête à tête, et je l'ai conseillé. Voilà. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وكذلك الإغراء في فرض مسائل لم تقع والإجابات عنها قبل وقوعها فإن هذا يصرف المسلمين عن دراسة الكتاب والسنة ويشغلهم عن حفظ نصوصهما والتفقه فيهما. De même de trop s'adonner à des questions qui n'existent pas, mais qui pourrait venir dans le futur. Qu'en est-il si jamais une personne, il lui arrive telle chose? Comment doit faire le musulman si jamais il lui arrive dans sa prière telle chose, dans son jeûne telle chose? Des choses qui ne sont pas connues et qu'on ne vit pas. Hein? Ça, il faut s'en éloigner. Et ça, c'est un des reproches qui a été fait beaucoup dans le madhhab Hanafi. Parce que dans le madhhab Hanafi, ils avaient ce problème-là. Il existait. Ils étaient connus pour cela. Bien qu'eux, ils se disaient, nous, on va très loin dans la science. Très loin dans la science. Vous allez là où on ne vous a pas demandé d'aller. C'est là le problème. La science, c'est de regarder ce qu'il y a dans le livre et la sunna. Et de les apprendre et de les appliquer. Et de demander aux ulama, lorsque tu ne sais pas sur une chose qu'il y a, qui te concerne ou qui concerne quelqu'un. Pas sur des choses qui n'existent pas. Sur l'inexistant, il ne nous a jamais été demandé de s'adonner là-dedans. Subhanallah. Laisse les choses venir. Quand elles viendront, la question, elle sera posée à ce moment-là. Alors que les sahaba, radhiallahu anhum, lorsqu'ils parlaient sur des choses qui vont arriver, c'est concernant la communauté. Parce qu'on sait que la communauté, elle va vivre des moments bien et des moments durs. Donc les sahaba demandent, si jamais on vit des moments durs, comment on doit se comporter? C'est pour eux, comment on doit faire? Mais pas sur des questions religieuses. Ils cherchent une réponse, alors que ça se trouve que c'est une chose qui n'existera même pas. Si l'homme, il est dans le soujoud, ça c'est dans des livres, hein. Il est dans le soujoud, en prosternation, et que son épouse, elle vient et elle lui fait un bisou, est-ce qu'il est toujours, il peut toujours continuer sa prière ou pas? Quelqu'un pourrait dire, mais c'est, dans quelle situation? Subhanallah. Non, mais ça, ce sont des questions qu'on retrouve dans des livres de fiqh. Subhanallah. C'est des suppositions, voilà. Ce sont des suppositions. On suppose que... Non, le musulman, il s'en éloigne. Et ceci peut même lui prendre de son temps qu'il aurait dû donner à l'apprentissage du Coran et de la sunna et d'apprendre le bon sens et la bonne compréhension de ces textes. Wa khamisuha an-nahyu an kathrati as-su'al. Cinquièmement, l'interdiction de trop questionner, de trop poser de questions. Wa huwa yashmalu. Wa huwa yashmalu su'al an-nas. ما في أيديهم من المال وغيره وإنزال حاجته بهم وهذا لا يليق بالمسلم الذي يريد الله له أن يكون عزيزا شريفا. Entre dedans d'embêter les gens, de leur demander de leur richesse et de leur bien qu'Allah leur a octroyé, de leur demander donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, j'ai besoin, je suis en galère. Hein? Le musulman, il s'éloigne de ce comportement. Tant que possible, jamais il ne réclame quoi que ce soit auprès des créatures. Ça, c'est une personne qui tient à sa dignité et qui tient à son honneur. Allah, il t'a donné une dignité. Allah, il t'a donné un honneur. Et parmi les points, les choses qui sont sacrées chez le musulman, c'est quoi? Son sang, ses biens et son honneur. Tu as un honneur, préserve-le. Hein? Ne va pas chercher ce qu'il y a entre les mains des gens. Éloigne-toi-en. Et ne montre pas ta faiblesse ou ta pauvreté face aux gens. C'est quelqu'un, je ne parle pas de quelqu'un qui est dans une extrême ou dans un cas de nécessité. Je parle de gens qui peuvent se passer de ce qui est auprès des gens, mais ils se permettent d'aller. Et sachez que les gens, c'est une règle générale. Les gens n'aiment pas qu'on leur demande. Voilà, prenez-la. Les gens n'aiment pas qu'on leur demande. Les gens, en général, ne veulent pas donner. Voilà, ça c'est l'être humain qui est comme ça. Mais l'être humain fait un effort. Quand on lui demande, il fait l'effort de donner. Quand il a, il fait l'effort d'aller partager et de donner. Allah tabaraka wa ta'ala aime donner. Allah tabaraka wa ta'ala aime qu'on lui demande. Allah n'aime pas qu'on s'en détourne de lui. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi délaisser le créateur pour aller vers la créature? Pourquoi délaisser celui qui a pour aller vers celui qui n'a pas? Donc il faut travailler sa foi et s'en remettre à Allah azza wa jalla. De demander à Allah Azza wa Jal. Maintenant, une personne, ni n'est partie chercher quelque chose, ni n'a réclamé quoi que ce soit, et on est venu lui donner, il prend ce qu'on lui donne. Ça, c'est un bien qu'Allah lui a ramené. On lui a donné, il le prend. Tayyib. Cheikh Al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, il dit que si tu as embêté quelqu'un pour lui prendre son bien, oh, machallah, ton portable, où est-ce que tu l'as trouvé? Où est-ce que tu l'as acheté? Tellement tu lui as fait comprendre mille manières que tu le veux. Jusqu'à que lui, là, il s'est dit, il va croire que j'ai rien compris. J'ai compris qu'il le veut, il te le donne. Cheikh Al-Uthaymin dit, il est interdit pour toi de le prendre. Il dit, ça, c'est prendre un bien de quelqu'un qu'il ne voulait pas s'en séparer. Subhanallah. Faut pas pousser les gens à bout. C'est pas bien. Subhanallah. Fais des doigts qu'Allah lui préserve ses richesses et ses biens, qu'Allah il lui rajoute. Aimez le bien pour les gens. Subhanallah. La richesse véritable, ce n'est pas d'avoir beaucoup de biens. Wallah, il y en a. Matériellement, ils n'ont pas grand-chose. Mais ils sont riches. C'est-à-dire, ils se passent des gens. Ils marchent droit. Ils n'ont besoin de personne. Subhanallah. Et vous avez des gens, hein, matériellement, ils sont. Mais ils sont toujours à l'affût de prendre quelque chose d'autre. Subhanallah. Donc, d'avoir cette autosuffisance, d'être satisfait du partage d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est quelque chose de bien. Celui qui l'a, il a eu vraiment une grande chose. Donc la personne, elle préserve son honneur et sa dignité. Tant que possible. De demander les biens des gens, à la base, c'est interdit. وَلَا يَجُوزُ إِلَّا فِي حَالِ الدَّرُورَةِ. Il n'est permis que dans le moment de la nécessité. Voilà. وَفِي سُؤَالِ الْمَخْلُوقِ بِلَا دَرُورَةِ ثَلَاثُ مَفَاسِدٍ. Il y a trois problèmes, trois maux dans le fait de demander aux gens sans aucune raison valable, sans nécessité. أولاً, premièrement, مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك. Parmi les mots, il y a le fait de montrer sa pauvreté, son manque, son besoin à autre que Allah. Et là-dedans, il y a une sorte ou une forme de polythéisme. Tu t'en remets à qui ? À ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, deuxièmement, wa mafsadatu idha il makhlouq al mas'oul wa hiya naw'un min dhulm al khalq. Deuxième mal qu'on retrouve dedans, c'est quoi ? C'est de nuire, de faire du mal à cette créature questionnée, à cette créature à qui on a demandé. Et là-dedans, il y a une forme d'injustice et d'oppression envers cette personne. Thalithan, troisièmement, wa mafsadatu al-dhulm li ghayrillahi wa huwa dhulmun lin-nafs. Le troisième mal qu'il y a dedans, c'est cette humiliation que tu te fais face à autre que Allah. Et en faisant cela, tu as été injuste envers ta propre personne. Envers ta propre personne. هذا إذا كان المسؤول حيا قادرا على تحقيق المطلوب منه. Ceci, ce qu'on vient de citer là, lorsque celui à qui on a demandé, c'est une personne vivante et capable de te donner ce que tu lui as demandé. Est capable de te donner ce que tu lui as demandé. فَكَيْفَ بِسُؤَالِ الْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. Alors, qu'en est-il du fait de demander à un mort, un défunt, absent et à un absent, une chose qu'il n'y a que Allah qui est capable de te la donner. Vous avez compris ? Non ? D'accord. Une femme, elle veut un enfant. C'est qui décide de te donner l'enfant ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il te donne ou il te prive. Elle va vers une tombe et elle demande au saint dans la tombe, c'est un mort, oh un tel, je veux un enfant. Elle demande une chose à qui ? À un mort. On ne demande pas aux morts. Et deuxièmement, elle demande une chose que ne peut te donner que Allah Azza wa Jal seul. Inna dhalika huwa aynu shirki billah. Voilà exactement le polythéisme, l'association à Allah Azza wa Jal. كما يشمل هذا النهي كثرة الأسئلة العلمية خصوصا التي يقصد منها التعنت وإثارة النزاع والجدال بالباطل وكذلك الإغراق في فرض المسائل التي لم تقع وطلب الإجابات عنها. De même qui entre dans cette interdiction de trop demander, trop questionner, le fait de poser des questions, même si elles sont religieuses, mais il est voulu par ces questions un mal. Il est voulu mettre à mal le questionner. Il est voulu mettre plus de divergences et de polémiques. Il y en a, c'est pour ça qu'il pose des questions. Il pose des questions pour la polémique. Il pose des questions pour débattre. Ce n'est pas pour apprendre. Il pose des questions pour mettre à mal les gens. Il pose des questions qu'on n'a pas à se poser. Et de même, de poser des questions sur des sujets qui ne sont pas encore arrivés, comme on a vu tout à l'heure. Et en plus de cela, la personne attend la réponse. Il veut une réponse. وسادسها sixièmement النهي عن إضاعة المال l'interdiction de gaspiller ou de perdre l'argent et les richesses فإن المال نعمة من الله وفيه عون على طاعة الله والجهاد في سبيله وعلى مساعدة المستحقين من المسلمين الفقراء والأقارب وغيرهم car l'argent, la richesse est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. On s'en sert pour nous aider dans l'obéissance à Allah azza wa jal. On s'en sert pour nous aider dans le combat dans le sentier d'Allah. On s'en sert pour venir en aide aux ayants droit parmi les musulmans pauvres, les proches et autres. Fayajibu أن يشكر المسلم ربه على هذه النعمة. Donc, il est un devoir pour le musulman de remercier Allah de ce bienfait. Il faut remercier Allah de t'avoir donné, de t'avoir octroyé, de t'avoir facilité. ويحافظ عليها من الضياع والإهمال. Et il préserve cette richesse et ce bien. Il ne la gaspille pas en mal. Il ne la laisse pas se perdre. ولا ينفق منه إلا في الطرق التي شرعها الله أو أباحها. Et il ne la dépense que dans les choses légiférées par Allah, permises par Allah, تبارك وتعالى. Pas comme certains disent, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Non, tu en fais ce que tu veux dans ce qu'il plaît à Allah, عَزَّ وَجَلَّ. Tu en fais ce que tu veux tant que cela ne t'amène pas à un interdit. Car cet argent, c'est Allah qui te l'a donné. C'est un don d'Allah et tu te dois de la dépenser comme il plaît à ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهُ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ وَالْمَعَاصِي. Et il n'a pas le droit de dépenser cet argent, cette richesse dans les voies du diable, de Satan, ou dans les péchés, comme laisse lahu, dans les péchés. Il n'achète pas avec des instruments de musique, il n'achète pas avec le porc, le vin, il n'achète pas avec des choses interdites, il ne va pas voyager avec cet argent dans des endroits interdits, il ne va pas dans les casinos, il n'achète pas des billets de loterie, et ainsi de suite. Il n'achète pas de cigarettes, il n'achète pas de drogue avec, et ainsi de suite. Donc, il ne les dépense que dans ce qui est permis et il s'éloigne de tout ce qui est interdit. كما ليس له أن يهمل هذه النعمة ويعرضها للضياع. De même qu'il ne lui est pas permis de laisser cet argent à l'oubli et même elle peut lui être volée ou autre. Il fait attention et il préserve cette richesse qu'Allah lui a octroyée. ما يستفاد من الحديث. Ce qu'on retient de ce hadith, les points essentiels en résumé. Awalan, premièrement, wujub al-qiyam bi'ibadatillahi 'ala al-wajh al-matloub. L'obligation, le devoir d'adorer Allah Azza wa Jal comme il nous l'a demandé. Thaniyan, deuxièmement, wujub al-ibti'ad 'an kulli asnaf ash-shirk, saghirihi wa kabirihi. Le devoir, l'obligation de s'éloigner de toutes les formes de polythéisme, qu'elles soient petites ou grandes. Thalithan, troisièmement, wujub al-i'tisam bi hablillah wa huwa al-islam alladhi jaa bihi ar-rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kitaban wa sunnatan fi kulli shan. Le devoir, l'obligation de se cramponner à la corde d'Allah, au câble d'Allah azza wa jalla, qui est l'islam avec lequel nous est venu le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, dont les enseignements on les retrouve dans le Coran et la Sunna. Rabi'an, quatrièmement, tahrim at-tafarruq wa wujub wahdat al-muslimin 'ala al-haqq. L'interdiction de se séparer, de se diviser d'une quelconque scission entre les musulmans, et l'obligation de l'unité des musulmans sur la vérité. Khamisan, cinquièmement, wujub munasahati ولاتي أمر المسلمين والتعاون معهم على الحق والبر. L'obligation, le devoir de conseiller les autorités musulmanes et de s'entraider avec eux dans la vérité et le bien et la piété. Sadisem, sixièmement, تحريم القيل والقال. Sixièmement, l'interdiction de on dit et j'ai entendu, de trop parler, de trop questionner. سابعاً, septièmement, تحريم سؤال المخلوقين إلا فيما يقدرون عليه في حال الضرورة. L'interdiction de demander les créatures, sauf de demander une chose aux créatures, sauf c'est une chose qu'ils en sont capables et dans la situation où la personne elle est dans un cas extrême, un cas de nécessité. والأفضل التوكل والصبر. Et le meilleur pour la personne, c'est de s'en remettre à Allah Azza wa Jal et de patienter. Thaminan, huitièmement, tahrimu idha'atil mal. Huitièmement, l'interdiction de gaspiller l'argent, de faire n'importe quoi avec la richesse et les biens qu'Allah t'a donné. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Les frères de la mosquée vous invitent à